En Corée, le théâtre dramatique d'État à Pyongyang a abrité le 7 août le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'Orchestre symphonique d'État. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les créateurs et artistes de l'Orchestre symphonique et des troupes artistiques au niveau central, ainsi que le personnel de l'Orchestre symphonique. Kim Gi-nam a transmis le message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée adressé aux créateurs et artistes de l'Orchestre symphonique d'État. Le comité central du Parti du Travail de Corée y a souligné que pendant 70 ans depuis la proclamation de sa fondation par l'exécution de l'hymne révolutionnaire immortel chant du général Kim Il-sung, l'Orchestre symphonique a suivi fidèlement la direction du parti et du leader et encourager énergiquement le progrès de la patrie socialiste avec ses activités révolutionnaires de création des chefs-d'œuvre représentant l'époque. Ensuite, il y a eu le rapport et les interventions.